Le déshabillage, la fraîcheur sur la peau d'un kimono de Shantung bleuâtre, lavé 20 fois, dissipe ma migraine commençante. Je ne m'étends pas sur mon lit, de peur de m'endormir. Ce n'est pas pour me reposer que je viens ici. Agenouillée sur un fauteuil, contre la fenêtre ouverte, je m'accoude au dossier, caressant l'un à l'autre derrière moi mes pieds nus. Je retrouve depuis quelques jours l'habitude de me camper au bord d'une table, de m'asseoir de biais sur le bras d'un fauteuil, de garder longtemps des attitudes incommodes sur des sièges inconfortables, comme si les brèves pauses que je fais sur ma route ne valaient pas la peine d'une installation, d'un repos préparé. Les chambres où je couche, on dirait que j'y suis entrée pour un quart d'heure, le manteau jeté ci, le chapeau là. C'est dans le wagon que je me révèle ordonnée jusqu'à la manie, entre mon sac, mon plaid roulé, mes journaux et mes livres, les coussins de caoutchouc qui étaient mon sommeil rigide, un sommeil prompt de voyageuse endurcie, qui ne dérange ni mon voile noué en bandeau de religieuse, ni ma jupe tirée à ras des chevilles. Je ne me repousse pas. Je veux me contraindre à réfléchir, et ma pensée regimbe, s'échappe, fuit sur le chemin de lumière que lui ouvre un rayon tombé sur le balcon, et s'en va, là-bas, sur un toit en mosaïque de tuiles vertes, où elle s'arrête puérilement pour jouer avec un reflet, une ombre de nuages. Je lutte, je me fouaille, puis je cède une minute, et je recommence. Ce sont de telles joutes qui font aux exilés de ma sorte ces yeux si grands ouverts, si lents à décrocher leur regard d'un appât invisible. Morose gymnastique de solitaire. Solitaire, que vais-je songer là, quand mon amant m'appelle, prêt à répondre de moi pour toute la vie? Mais toute la vie, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 3 mois, je prononçais ces mots terribles, 10 ans, 20 ans, sans comprendre. Il est temps de comprendre, à présent. Mon amant m'offre sa vie imprévoyante et généreuse d'homme jeune qui a 34 ans à peu près, comme moi. Il ne doute pas de ma jeunesse, il ne voit pas la fin, la mienne. Son aveuglement me refuse le droit de changer, de vieillir, alors que tout instant, ajouté à l'instant écoulé, me dérobe déjà à lui. J'ai encore de quoi le contenter, mieux, l'éblouir. Je puis quitter ce visage si, comme on se démasque, j'en ai un autre plus beau qu'il a entrevu. Et je me dévais, comme d'autres se parent, rompus, car je fus le modèle de Théandi avant d'être danseuse, à déjouer les dangers de la nudité, à me mouvoir, nue, sous la lumière, comme sous une draperie compliquée. Mais pour combien d'années suis-je armée encore? Mon ami m'offre son nom et sa fortune, avec son amour. Décidément, mon maître, le hasard, fait bien les choses et veut récompenser d'un coup le culte capricieux que je lui voue. C'est inespéré, c'est fou, c'est un peu trop. Cher brave homme, il attendra ma réponse impatiemment et guettera le facteur sur la route en compagnie de Fossette, ma Fossette, qui exulte de jouer à la châtelaine, qui roule en auto et fait le train de ceinture autour des chevaux scellés. Il doit corser sa joie d'un orgueil naïf, légitime, l'orgueil d'être le monsieur assez chic, pour hisser vers lui, du sous-sol de lampes cliché à la terrasse blanche des salles neuves, une petite bonne femme de Kafkons. Cher, cher bourgeois héroïque. Ah, pourquoi n'en aime-t-il pas une autre, comme une autre le rendrait heureux? Il me semble que je ne pourrai jamais, moi. S'il ne fallait que me donner, mais il n'y a pas que la volupté. La volupté tient dans le désert illimité de l'amour, une ardente et très petite place, si embrasée qu'on ne voit d'abord qu'elle. Je ne suis pas une jeune fille, toute neuve, pour m'aveugler sur son éclat. Autour de ce foyer inconstant, c'est l'inconnu, c'est le danger. Que sais-je de l'homme que j'aime et qui me veut? Lorsque nous nous serons relevés d'une courte étreinte ou même d'une longue nuit, il faudra commencer à vivre l'un près de l'autre, l'un par l'autre. Il cachera courageusement les premières déconvenues qui lui viendront de moi et je tairai les miennes par orgueil, par pudeur, par pitié, et surtout parce que je les aurais attendus, redoutés, parce que je les reconnaîtrais. Moi qui me contracte toute, à l'entendre me nommer mon enfant chéri, moi qui tremble devant certains gestes de lui, devant certaines intonations ressuscitées, quelle armée de fantômes me guette derrière les rideaux d'une couche encore fermée. Aucun reflet ne danse là-bas, sur le toit aux tuiles vertes. Le soleil a tourné. Un lac de ciel, tout à l'heure d'azur entre deux fuseaux de nuages immobiles, pâlit suavement, passe de la turquoise au citron vert. Mes bras accoudés, mes genoux pliés se sont engourdis. L'infructueuse journée va finir, et je n'ai rien décidé, rien écrit. Je n'ai pas arraché à mon cœur un de ces mouvements irrépressibles dont j'acceptais autrefois sans contrôle et prête à la nommer divine, l'orageuse impulsion. Que faire? Pour aujourd'hui, écrire brièvement, car l'heure presse, et mentir. Mon chéri, il est presque 6 heures et j'ai passé la journée à lutter contre une terrible migraine. La chaleur est telle et si soudaine que j'en gémis, mais comme Fossette devant un feu trop vif, sans rancune. Et puis votre lettre par-dessus, c'est trop de soleil, trop de lumière à la fois, le ciel, et vous m'accablez sous vos dons. Je n'ai pas la force aujourd'hui que de soupirer, c'est trop. Un ami tel que vous, Max, et beaucoup d'amour, et beaucoup de bonheur, et beaucoup d'argent. Vous me croyez donc bien solide? Je le suis, d'habitude, c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Laissez-moi le temps. Voici une photographie pour vous. Je la reçois de Lyon, où Barali a pris cet instantané. M'y trouvez-vous assez noire, assez petite, assez chien perdu, avec ses mains croisées et cet air battu? Franchement, mon ami aimé, cette passante menue porte bien mal l'excès d'honneur et de bien que vous lui promettez. Elle regarde de votre côté, et son museau défiant de renard semble vous dire « C'est bien pour moi, tout ça? Vous êtes sûr? Adieu, mon ami chéri. Vous êtes le meilleur des hommes et vous méritiez la meilleure des femmes. Ne regretterez-vous pas d'avoir choisi seulement René Néré? J'ai 48 heures devant moi. Et maintenant, vite, la toilette, le dîner chez Basso sur la terrasse, dans le vent frais, dans l'odeur de citron et de moules mouillées, la course vers l'Eldorado par les avenues baignées d'électricité rose, la rupture, enfin, pour quelques heures, du fil qui me tire là-bas, en arrière, sans repos. Nice, Cannes, Menton, je tourne, suivi par mon tourment qui grandit, un tourment si vivace, si constamment présent que je crains parfois de voir la forme de son ombre à côté de la mienne, sur le grès blond des jetées qui bordent la mer, sur le pavé chaud où fermentent des écorces de banane. Mon tourment me tyrannise, il s'interpose entre moi et le plaisir de vivre, de contempler, de respirer profondément. Une nuit, j'ai rêvé que je n'aimais pas. Et cette nuit-là, j'ai reposé, délivré de tout, comme dans une mort suave. À ma lettre ambiguë de Marseille, Max a répliqué par une lettre, heureuse et tranquille, un long remerciement, sans rature, où l'amour se faisait amical, assuré, fier de donner tout et de recevoir davantage, une lettre, enfin, qui pouvait me donner l'illusion d'avoir écrit « Tel jour, telle heure, je suis à vous et nous partons ensemble. » C'en est donc fait? Suis-je engagée à ce point? Est-ce l'impatience? Est-ce la hâte? Cette méchante humeur qui, d'un jour à un autre, d'une ville à une autre, d'une nuit à une autre, me fait trouver le temps si long. À Menton, j'écoutais hier, dans une pension de famille endormie au milieu des jardins, s'éveiller les oiseaux et les mouches et le perroquet du balcon. Le vent de l'aube froissait les palmiers comme des roseaux morts, et je reconnaissais tous les sons, toute la musique d'un matin semblable de l'année dernière. Mais cette année, le sifflement du perroquet, le bourdonnement des guêpes dans le soleil, le vent et la brise dans les palmes dures, tout cela reculait, s'éloignait de moi, semblait murmurer comme l'accompagnement de mon souci, servir de pédale à l'idée fixe, à l'amour. Sous ma fenêtre, dans le jardin, un parterre oblong de violette que le soleil n'avait pas encore touché, bleuissait dans la rosée, sous des mimosas d'un jaune de poussin. Il y avait aussi contre le mur des roses grimpantes qu'à leur couleur je devinais sans parfum, un peu soufrées, un peu vertes, de la même nuance indécise que le ciel pas encore bleu, les mêmes roses, les mêmes violettes que l'an passé. Mais pourquoi n'ai-je pu, hier, les saluer de ce sourire involontaire, reflet d'une inoffensive félicité mi-physique où s'exhale le silencieux bonheur des solitaires? Je souffre. Je ne puis m'attacher à ce que je vois. Je me suspends, encore un instant, à la plus grande folie, à l'irrémédiable malheur du reste de mon existence. Accrochée et penchante comme l'arbre qui a grandi au-dessus du gouffre et que son épanouissement incline vers sa perte, je résiste encore. Et qui peut dire si je réussirai? Une petite image, lorsque je m'apaise, lorsque je m'abandonne à mon court avenir, confié tout à celui qui m'attend là-bas, une petite image photographique me rejette à mon tourment, à la sagesse. C'est un instantané où Max joue au tennis avec une jeune fille. Cela ne veut rien dire. La jeune fille est une passante, une voisine venue pour goûter aux salles neuves. Il n'a pas pensé à elle en m'envoyant sa photographie. Mais moi, je pense à elle. Et j'y pensais déjà avant de l'avoir vue. Je ne sais pas son nom, je vois à peine son visage renversé sous le soleil, noir, avec une grimace joyeuse où brille une ligne blanche dedans. Ah, si je tenais mon amant, là, à mes pieds, entre mes mains, je lui dirais... Non, je ne lui dirais rien. Mais écrire, c'est si facile. Écrire, écrire. Lancer à travers des pages blanches l'écriture rapide, inégale, qu'il compare à mon visage mobile, surmené par l'excès d'expression. Écrire, sincèrement, presque sincèrement. J'en espère un soulagement, cette sorte de silence intérieur qui suit un cri, un aveu. Max, mon ami aimé, je t'ai demandé hier le nom de cette jeune fille qui joue avec toi au tennis. Ce n'était pas la peine. Elle s'appelle, pour moi, une jeune fille. Toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes qui seront mes rivales un peu plus tard, bientôt, demain. Elle s'appelle l'inconnue, ma cadette, celle à qui on me comparera cruellement, lucidement, avec moins de cruauté et de clairvoyance pourtant que je ne le ferai moi-même. Triompher d'elle, combien de fois? Quel triomphe quand la lutte épuise et ne finit point. Comprends-moi, comprends-moi. Ce n'est pas le soupçon, ce n'est pas ta trahison future, ô mon amour, qui me ruine. C'est ma déchéance. Nous avons le même âge. Je ne suis plus une jeune femme. Imagine, ô mon amour, ta maturité de bel homme dans quelques années auprès de la mienne. Imagine-moi belle encore et désespérée, enragée dans mon armure de corset et de robe, sous mon fard et mes poudres, sous mes fragiles et jeunes couleurs. Imagine-moi belle comme une rose mûre qu'on ne doit pas toucher. Un regard de toi, appuyé sur une jeune femme, suffira à prolonger sur ma joue le pli triste qui a creusé le sourire. Mais une nuit heureuse dans tes bras coûtera davantage à ma beauté qui s'en va. J'atteins, tu le sais, l'âge de l'ardeur. c'est celui des imprudences sinistres. Comprends-moi. Ta ferveur, qui me convaincra, qui me rassurera, ne me conduira-t-elle pas à l'imbécile sécurité des femmes aimées? Une ingénue maniérée renaît, pour de brèves et périlleuses minutes, en l'amoureuse comblée, et se permet des jeux de fillette qui font trembler sa chair lourde et savoureuse. J'ai frémi devant l'inconscience d'une amie quadragénaire qui coiffait, dévêtue et tout essoufflée d'amour, le képi de son amant, lieutenant de hussards. Oui, oui, je divague, je t'effraie. Tu ne comprends pas. Il manque à cette lettre un long préambule, toutes les pensées que je te cache, qui m'empoisonnent depuis tant de jours. C'est si simple, n'est-ce pas, l'amour? Tu ne lui prêtais pas ce visage ambigu, tourmenté? On s'aime, on se donne l'un à l'autre, nous voilà heureux pour la vie, n'est-ce pas? Ah, que tu es jeune, et puis que jeune, toi qui ne souffres que de m'attendre. Ne pas posséder ce que l'on désire, ton enfer se borne à cela, dont certains font l'aliment de toute leur vie. Mais posséder ce que l'on aime et sentir à toute minute son bien unique se désagréger, fondre et fuir comme une poudre d'or entre les doigts, et n'avoir pas l'affreux courage d'ouvrir la main, d'abandonner le trésor entier, mais serrer toujours plus fort les doigts et crier et supplier pour garder quoi? Une petite trace d'or précieuse au creux de la paume? Tu ne comprends pas, mon petit? Je voudrais pour tout au monde te ressembler. Je voudrais n'avoir jamais souffert que par toi et rejeter ma vieille détresse expérimentée. Secours, comme tu le pourras, ta Renée. Mais, mon amour, si je n'espère plus qu'en toi seul, n'est-ce pas déjà désespéré à moitié? Ma main demeure crispée sur le mauvais porte-plume trop mince. Quatre grandes feuilles sur la table témoigne de ma hâte à écrire, non moins que le désordre du manuscrit, où l'écriture monte et descend, se dilate et se contracte, sensible. Va-t-il me reconnaître dans ce désordre? Non, je m'y dissimule encore. Dire la vérité? Oui, mais toute la vérité, on ne peut pas, on ne doit pas. Devant moi, sur la place balayée par un vent tout à l'heure vif, mais qui faiblit et tombe comme une aile fatiguée, le mur cintré des arènes de Nîmes dresse sa patte d'un roux croustillant sur un pan de ciel ardoisé, opaque, qui présage la tempête. L'air brûlant se traîne dans ma chambre. Je veux revoir, sous ce ciel lourd, mon refuge élyséen, le jardin de la Fontaine. Un fiacre branlant, un cheval accablé me traîne jusqu'à la grille noire qui défend ce parc où rien ne change. Est-ce que le printemps de l'an passé n'a pas duré, magiquement, jusqu'à cette heure, pour m'attendre? Il est si féerique en ce lieu, le printemps immobile et suspendu sur toute chose, que je tremble de le voir s'abîmer et se dissoudre en nuée. Je palpe amoureusement la pierre chaude du temple ruiné et la feuille vernie des fusains qui semble mouillée. Les bains de Diane, où je me penche, mirent encore et toujours des arbres de Judée, des térébintes, des pins, des polonias fleuris de mauve et des épines doubles purpurines. Tout un jardin de reflets se renverse au-dessous de moi et tourne, décomposé dans l'eau d'aigues marines, au bleu obscur, au violet de pêche meurtrie, au marron de sang sec. Le beau jardin, le beau silence, où seul se débat sourdement l'eau impérieuse et verte, transparente, sombre, bleue et brillante, comme un vif dragon. Une double allée harmonieuse monte vers la tour Magne, entre les murailles ciselées d'ifs, et je me repose, une minute, au bord d'une auge de pierre, où l'eau ternie est verte de cressons fins et de renettes bavardes aux petites mains délicates. Là-haut, tout en haut, un lit sec d'aiguilles odorantes nous reçoit, moi et mon tourment. Au-dessous, le beau jardin s'aplanit géométrique aux places découvertes. L'approche de l'orage a chassé tout intrus, et la grêle, l'ouragan, monte lentement de l'horizon, dans les flancs ballonnés d'un épais nuage ourlé de feu blanc. Tout ceci est encore mon royaume, un petit morceau de bien magnifique que Dieu dispense aux passants, aux nomades, aux solitaires. La terre appartient à celui qui s'arrête un instant, contemple et s'en va, tout le soleil et tout lézard nu qui s'y chauffe. Au profond de mon souci s'agite un grand marchandage, un esprit de troc qui pèse des valeurs obscures, des trésors à demi cachés. C'est un débat qui monte, qui se fraye confusément un passage vers le jour. Le temps presse. Toute la vérité que j'ai dû taire à Max, je me la dois. Elle n'est pas belle. Elle est encore débile, effarée et un peu perfide. Elle ne sait me souffler encore que des soupirs laconiques. Je ne veux pas. Il ne faut pas. J'ai peur. Peur de vieillir, d'être trahi, de souffrir. Un choix subtil a guidé ma sincérité partielle pendant que j'écrivais cela à Max. Cette peur-là, c'est le silice qui colle à la peau de l'amour naissant et se resserre sur lui à mesure qu'il grandit. Je l'ai porté, ce silice. On n'en meurt pas. Je le porterai de nouveau si je ne pouvais pas faire autrement. Si je ne pouvais pas faire autrement. Cette fois, la formule est nette. Je l'ai lue, écrite dans ma pensée. Je l'y vois encore, imprimée comme une sentence en petite capitale grasse. Ah, je viens de jauger mon piètre amour et de libérer mon véritable espoir, l'évasion. Comment y parvenir? Tout est contre moi. Le premier obstacle où je bute, c'est ce corps de femme allongé qui me barre la route. Un voluptueux corps aux yeux fermés, volontairement aveugle, étiré, prêt à périr plutôt que de quitter le lieu de sa joie. C'est moi cette femme-là, cette brute entêtée au plaisir. Tu n'as pas de pire ennemi que toi-même. Hey, je le sais, mon Dieu, je le sais. Vaincrai-je aussi, plus dangereuse 100 fois que la bête goulue, l'enfant abandonné qui tremble en moi, faible, nerveuse, prompte à tendre les bras, à implorer, ne me laissez pas seule. Celle-ci craint la nuit, la solitude, la maladie et la mort. Elle tire les rideaux, le soir, sur la vitre noire qui l'effraie, et se languit du seul mal de n'être point assez chérie. Et vous, mon adversaire, bien-aimé, Max, comment viendrai-je à bout de vous en me déchirant moi-même? Vous n'auriez qu'à paraître et... Mais je ne vous appelle pas. Non, je ne vous appelle pas. C'est ma première victoire. Le nuage orageux passe à présent au-dessus de moi, versant goutte à goutte une eau paresseuse et parfumée. Une étoile de pluie s'écrase au coin de ma lèvre et je la bois, tiède, sucrée d'une poussière à goût de jonquille. Nîmes, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, 4 jours sans repos et 4 nuits. On arrive, on se lave, on mange et on danse au son d'un orchestre mal assuré et qui déchiffre. On se couche, est-ce la peine, et on repart. On maigrit de fatigue et personne ne se plaint, l'orgueil avant tout. On change de music hall, de loge, d'hôtel, de chambre, avec une indifférence de soldat en manœuvre. La boîte à maquillage s'écaille et montre son fer blanc. Les costumes faiblissent et exhalent, nettoyés hâtivement à l'essence avant le spectacle, une odeur surie de poudre de raie et de pétrole. Je repeins au carmin mes sandales rouges, craquées de l'emprise. Ma tunique de la dryade perd sa nuance acide de sauterelles et de prés verts. Brague et splendide de crasse colorée, sa culotte bulgare en cuir brodé, raide du sang artificiel qui l'éclabousse chaque soir, ressemble à une peau de bœuf fraîchement écorchée. Le vieux troglodyte épouvante en scène, sous une perruque d'étoupe qui pèle et des peaux de lièvre déteintes, malodorantes. Oui, des jours très durs où nous haletons, entre un ciel bleu balayé de rares nuées longues, maigres, comme cardées par le mistral, et une terre qui craque de soif et se fendille. Et puis, j'ai double charge, moi. Mes deux compagnons, quand ils débarquent dans la ville nouvelle, délestent leur épaule de la courroie qui la plie et ne songent plus, légers, qu'au demi mousseux, à la balade sans but. Mais pour moi, il y a l'heure du courrier, le courrier, les lettres de Max. Dans les casiers vitrés, sur les tables grasses où le concierge éparpille les papiers d'un revers de main, je vois tout de suite, électriquement, la ronde écriture fleurie, l'enveloppe bleutée. Adieu le repos. Donnez, celle-là. Oui, oui, je vous dis que c'est pour moi. Mon Dieu, qu'y a-t-il là-dedans? Des reproches? Des prières? Ou peut-être seulement « j'arrive » J'ai attendu 4 jours la réponse de Max à ma lettre de Nîmes. Pendant 4 jours, je lui ai écrit tendrement, cachant ma profonde agitation sous une gentillesse verbeuse, et comme si j'avais oublié cette lettre de Nîmes. De si loin, on est obligé à un dialogue épistolaire lâché, on mélancolise à bâtons rompus au petit malheur. 4 jours, j'ai attendu la réponse de Max, impatiente et ingrate, quand je trouvais seulement la langue anglaise démodée, gracieuse, de mon ami Margot, le minuscule griffonnage de mon vieil amant, les cartes postales de Blondine. Ah, hein, cette lettre de Max, je la tiens enfin. Je la lis avec une palpitation trop connue qu'un souvenir rend plus douloureuse. N'y eut-il pas dans ma vie un temps où, t'ayant dit « l'homme que jamais une femme n'a plaqué », disait-il, s'enragea soudain de mon absence et de mon silence et m'écrivit des lettres d'amant? La vue seule de son écriture acérée me rendait pâle, et je sentais mon cœur tout petit, rond et dur, bondissant, comme aujourd'hui, comme aujourd'hui. Froisser cette lettre de Max sans la lire, aspirer l'air comme un pendu qu'on décroche à temps, et fuir. Mais je ne puis, ce n'est qu'une tentation brève, il faut lire. Que le hasard soit béni, mon ami n'a pas compris. Il a cru qu'il s'agissait d'une crise jalouse, d'une coquette alarme de femme qui veut recevoir, de l'homme aimé, la plus flatteuse, la plus formelle assurance. Elle me la donne, cette assurance, et je ne puis m'empêcher de sourire parce qu'il loue son âme chérie, tantôt comme une sœur très respectée et tantôt comme une belle jument. Tu seras toujours la plus belle. Il l'écrit, comme il le pense, sans doute. Mais pourrait-il répondre autre chose? Peut-être. Au moment d'écrire ces mots-là, a-t-il levé la tête et regardé devant lui la forêt profonde, avec une hésitation, une suspension imperceptible de la pensée? Et puis, il aura secoué les épaules, comme lorsqu'on a froid, et il aura écrit, bravement, lentement, « Tu seras toujours la plus belle. » Pauvre Max. Le meilleur de moi-même semble conspirer contre lui, maintenant. Avant-hier, nous partions à l'aube, et je reprenais, dès le wagon, mon repos en miettes, rompu et recommencé 20 fois, lorsqu'une haleine salée, fleurant l'algue fraîche, rouvrit mes yeux. La mer, cette et la mer, elle était là, tout le long du train, revenue quand je ne pensais plus à elle. Le soleil de 7 heures, bas encore, ne la pénétrait point. Elle refusait de se laisser posséder, gardant, mal éveillée, une teinte nocturne d'encre bleue, crêtée de blanc. Des salines défilaient, bordées d'un gazon de sel étincelant, et des villas dormantes, blanches comme le sel, entre leurs lauriers sombres, leurs lilas et leurs arbres de Judée. À demi endormie, comme la mer, abandonnée au bercement du train, je croyais raser d'un vol tranchant d'hirondelles les vagues proches. Je goûtais un de ces parfaits moments, un de ces bonheurs de malade, sans conscience, lorsqu'une mémoire subite, une image, un nom, refirent de moi une créature ordinaire, celle de la veille et des jours précédents. Pendant combien de temps venais-je, pour la première fois, d'oublier Max? Oui, de l'oublier, comme si je n'avais jamais connu son regard ni la caresse de sa bouche. De l'oublier, comme s'il n'y avait pas de soin plus impérieux dans ma vie que de chercher des mots pour dire combien le soleil est jaune et bleu la mer et brillant le sel en franges de jais blancs. Oui, de l'oublier comme s'il n'y avait d'urgent au monde que mon désir de posséder par les yeux les merveilles de la terre. C'est à cette même heure qu'un esprit insidieux m'a soufflé, et s'il n'y avait d'urgent, en effet, que cela, si tout, hormis cela, n'était que cendre.